En Corée, les travaux de rétablissement des régions sinistrées de la province du Hamgyong du Nord touchent à leur fin. À l'arrondissement de Musan, les militaires de l'armée populaire et les membres des troupes de choc ont achevé les maisons à étages ou sans étages de plus de 2860 foyers et accélèrent dans leur dernière étape les travaux qui restent à faire. Les membres de la troupe de choc d'édification de l'avenue Yeomyung ont fini la construction des maisons de plus d'un millier de foyers, alors que les fonctionnaires des ministères et établissements centraux les logements de plus de 500 foyers. À l'arrondissement de Yeonsan, les militaires ont fini en 3 jours les travaux de pose de toit de tôle sur 16 immeubles et maintenant poussent les travaux de finissage des maisons de plus de 500 foyers. Les membres d'autres troupes de choc, notamment de la troupe de choc des jeunes héros de Paektusan, ont déjà achevé au fond les travaux de finissage des maisons de 1 100 de foyers. À la ville de Faeryong, les militaires ont fini la construction des maisons de plus de 1300 foyers et les travaux de construction des maisons de plus de 460 foyers sont dans leur dernière étape.